Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. C'est un vrai bonheur aujourd'hui de recevoir Madame Yvette Weisbecker, qui vient nous parler de son livre « Mémoire et engagement », une biographie qui relate l'extraordinaire épopée de ses parents, ainsi que son propre parcours façonné par la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Madame Weisbecker. Bonjour Mona. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de vos parents ? Avec grand intérêt. Je voudrais surtout vous dire que mon but n'était pas de réaliser une œuvre littéraire avec ce livre. Je l'écrivais afin que la mémoire de ce qu'avaient été mes parents ne disparaisse pas avec ma propre existence. Je suis ravie si mon livre a pu vous intéresser. Oui, bien sûr. Votre papa, lui, vient de Russie. De Biélorussie. Oui. Et votre maman vient de Pologne. De Varsovie, oui. Et alors, pourquoi ont-ils décidé de venir en France ? Parce que le grand mirage de la liberté, égalité, fraternité attirait mon père, qui souffrait énormément de la mentalité des gens autour de lui, dans la Russie des tsars, où toutes sortes de préjugés étaient à la mode. Oui. Donc ils sont arrivés à Paris en quelle année ? En 1905. En 1905. Donc il a fallu trouver du travail, effectivement. Bien sûr. Alors il a trouvé d'abord un travail de maroquinier dans une fabrique où il est devenu très où il a montré très vite son inventivité, si bien que lorsque Santos Dumont, c'est avec ça avec les débuts de l'aviation, oui. un aviateur est venu à la maroquinerie pour demander qu'un ouvrier le suive pour qu'il comprenne de quoi il avait besoin pour actionner sa nouvelle machine. Et ben c'est mon père, qui était tout juste importé en France, qui a été choisi parmi les dizaines d'ouvriers pour accompagner l'aviateur. Et il a eu la chance de réaliser exactement ce que l'aviateur souhaitait, à savoir réaliser des rênes pour diriger son avion. Oui, c'est merveilleux d'imaginer que votre papa a travaillé avec Santos Dumont. C'est un peu... Oui, c'est ça. Ça paraît un peu fou, là. Ça paraissait extraordinaire. Il racontait avec beaucoup d'humour, car mon père avait beaucoup d'humour. Il racontait ce qu'avaient dû être les entretiens entre le jeune Aria qui parlait à peine le français et puis le Brésilien qui ne le parlait pas bien non plus. Ouais. Et ils sont arrivés à se comprendre tous les deux. Mais c'est merveilleux. Et puis après, vos parents ont décidé d'intégrer la Lorraine. Ils ont intégré la Lorraine parce qu'ils ont eu le malheur de perdre un enfant à Paris. Maman a détesté vivre à Paris à partir du moment où elle y avait perdu sa fille. Et comme mon père était un partenaire au jeu d'échecs qui était très recherché, car il était un excellent joueur, il est tombé sur un industriel qui lui a dit « Mais moi, j'ai une usine en Meurthe-et-Moselle. Si vous voulez, je vous offre d'en devenir le contremaître. » Voilà comment mon père de maroquinier est devenu un ouvrier du textile. Mais il était très inventif pour n'importe quel métier. Et donc là, ils ont vécu quelques années heureuses. Ils ont vécu, oui, des années très constructives. Entre 1910 et 1914. Oui. Puisqu'en 1914, mon père a jugé devoir s'engager au service de la France, mais il ne voulait pas servir dans la Légion étrangère, il voulait servir comme Français. C'est dire qu'il devait déjà très bien parler le français, puisqu'il est parti à Chambéry pour se faire passer pour un Français, un Alsacien-Lorrain. Bah écoutez, franchement, oui, il a réussi, hein, effectivement. Hein. Il racontait avec humour qu'à cette époque-là, les Bretons parlaient très mal le français et que, comme Alsacien-Lorrain, on pouvait admettre s'il faisait des fautes de français. Ouais. Et donc, pendant ce temps-là, pendant la guerre de 14-18, votre maman a dû être expatriée en Bretagne, hein, c'est ça ? Oui, parce maman est partie dans l'évacuation de Blamont, qui était tout près de la frontière. C'était tout près de la frontière. La frontière passait à Vricourt, tout près de Blamont. Oui, oui. Et donc, maman a subi l'évacuation avec sa petite bonne femme qui avait 6 ans. Mm-hmm. Mais enfin, la silhouette de cette jeune femme qui était maman et puis de sa petite fille ont séduit sur le quai de la gare de Rennes un monsieur qui cherchait à se rendre utile. Et ce monsieur était le sénateur-maire qui a offert à maman l'hospitalité parce qu'il avait une petite fille du même âge que ma sœur. Alors ça a été une période très faste. Mon père a été reçu au manoir quand il avait des permissions. Et ce député-maire avait juré à mon père que s'il lui arrivait malheur, il s'occuperait de sa femme et de sa fille. Comme quoi, il y a encore des gens formidables. Il y avait déjà des gens formidables. Oui. Hein, c'est vrai, oui. Que c'est une, oui, c'est une merveille. Et ma mère a eu la chance de tomber là sur une famille extraordinaire et que j'ai bien connue dans ma petite enfance parce que chaque année, la jeune fille qui était devenue la petite fille de cette famille venait en vacances chez mes parents. Ah oui. Elle, avec sa nurse anglaise, bien entendu. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et alors donc, il faut dire aussi que votre papa, pendant la guerre de 14, a perdu une jambe, en fait. Il est revenu... Oui, il est devenu grand invalide de guerre. Il est devenu grand invalide de guerre, hein, c'est ouais. Ça. Et donc, il a dû subir plusieurs opérations, effectivement. Oh, oui. Hein. D'accord. Nous allons faire une pause musicale, et puis nous reprendrons l'entretien tout à l'heure. Ça va. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, ох, про того, чьи письма берегла. 18h, 18h30 sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Donc après la fin de la guerre, vos parents reviennent en Lorraine, à Blamont, où vous êtes né. Vous voulez bien nous parler de votre enfance ? J'ai eu une enfance très privilégiée, puisque j'étais élevée comme une fille unique, étant donné que ma sœur avait 12 ans de plus que moi. Ah oui, d'accord. J'ai grandi dans une admiration inconditionnelle de ma sœur. Elle était pour moi la plus jolie fille, la plus intelligente, la plus douée du monde. Ah ben c'est super, bien, oui. Puis apparemment, vos parents ont aidé, ont participé à la communauté, tout se passait parfaitement bien. J'ai pas compris. Vos parents participaient à la vie de la société, tout se passait parfaitement bien, ils étaient bien intégrés. Mon père était le porte-drapeau de la section militaire. Dans tous les défilés, c'est lui qui portait le drapeau. Donc, il en revenait avec sa jambe blessée à chaque fois de ces défilés où il fallait marcher au pas. C'était une souffrance continuelle, mais il tenait à être militant. Il tenait à être militant. Et puis, hélas, arrive la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et alors là ? Alors, tout à coup, nous ne sommes plus des citoyens. Nous perdons la citoyenneté. Nous passons la guerre à vivre cachés. Avec la douleur terrible à partir de 1943, de l'arrestation de maman. On ne savait pas alors que c'était une condamnation à mort d'être arrêté par les Allemands et de partir au camp. Et en fait, vous expliquez qu'ils n'ont pas voulu partir, ils n'ont pas voulu... Ils le savaient pourtant vous que... Vous imaginez qu'avec son salaire d'ouvrier, maman avait reconstitué une maison équipée. Oui. Équipée de mobilier, équipée de conserves qu'elle s'employait à fabriquer elle-même. Elle était très industrieuse, elle travaillait beaucoup. Je ne l'ai jamais vu un livre à la main, sauf le vendredi soir où elle respectait les règles de la religion, dont je ne sais rien. Oui, parce qu'il faut dire que vos parents étaient de religion juive. Hein. Oui, mais il faut dire que j'ai été élevée dans une laïcité absolue. Je n'ai connu de la religion que les repas de fête que maman continuait à célébrer en espérant que mon père allait exprimer les prières qu'en Russie on était obligé de dire à un moment donné. Et mon père s'y refusait absolument. J'ai été élevée sans religion. Oui. Et donc, vos parents ne sont pas partis, déjà parce que c'est difficile d'abandonner sa maison. Puis, mon père ne pouvait pas avoir idée qu'un type comme Pétain laisse se produire des assassinats, des crimes comme ceux qu'on a connus. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, votre père avait été... vous aviez acquis la nationalité française. Ah, votre père sûr. Avait laissé une jambe à la guerre de 14-18. Donc, il se considérait tout à fait comme bien intégré dans la vie française. Bien sûr. Et il pensait qu'il était protégé, en fait, par son statut de grand invalide. Je tiens à vous dire que je n'ai jamais entendu parler autre chose que la langue française à la maison. Mmh. Et j'avais plus de 30 ans lorsque un ami qui avait épousé une soviétique est venu présenter la jeune femme à mon père. Et j'ai appris par cet ami que mon père avait reçu la jeune femme en disant un poème de Pouchkine en russe. Et mon ami, qui était un professeur de russe, était émerveillé de voir qu'il possédait une langue russe très élégante et parfaite. Mais jamais mon père n'a parlé que le français. Alors vous imaginez que mon enfance a été l'exaltation de ma citoyenneté, l'exaltation d'être française. Pour mon père, c'était ma naissance, comme celle de ma sœur, avait été le comble de la satisfaction, mettre des enfants au monde en France. Donc là, ils sont donc restés, votre maman a été arrêtée donc. Arrêtée le 15 août 1943. Et déportée. Et donc, vous, pendant ce temps-là, vous étiez partie, vous. Oui, j'ai eu la chance de partir parce que le mari de ma sœur était politiquement beaucoup plus orienté que mon père. Et le mari de ma sœur comprenait que les événements allaient s'aggraver. Et c'est lui qui, à la première rafle des Juifs à Nancy, celle qui a rendu célèbre Monsieur Vigneron, par le courage qu'il a eu, le fameux chef à la police de Nancy, avec son équipe, il a protégé les citoyens juifs de Nancy. Ah oui, je me suis trop éloignée. Merci. Oui. Alors, donc vous êtes parti dans la partie de la France qui n'était alors pas occupée, et donc vous avez été recueilli aussi par accepté et aidé par des gens qui. Si je suis en vie au lendemain de la guerre, c'est grâce à un gendarme et grâce à un secrétaire de mairie qui tous les deux ont conjugué leurs efforts pour régulariser notre situation. Et cela, ils le faisaient au péril de leur vie. Et oui, c'est ça. Au péril de leur vie, c'est vrai. J'ai donc été très heureuse de pouvoir faire célébrer des cérémonies solennelles, l'une à Toussy dans Lyon, en mémoire de ce gendarme et de ce secrétaire de mairie. L'autre à Nancy plus tard. Et puis donc, après la libération, vous apprenez que la mission française de rapatriement recherche des volontaires. Vous engagez. Bien sûr. Et alors là, quelle est votre mission? Il faut vous dire qu'à partir du moment où la libération arrivait, je n'avais qu'une idée, c'était de témoigner de mon existence de citoyen. Puisque ma citoyenneté avait été niée, annulée, je tenais, à partir du moment où la libération arrivait, à m'affirmer citoyenne. Donc, je me suis engagée dans cette mission française. Et alors là, j'ai pu aborder toutes les misères de l'époque. Et je me suis trouvée au premier rang à l'hôtel Lutetia au moment où sont revenus les déportés. Oui, ça devait être atroce avec tous ces gens qui venaient essayer de retrouver leur, les membres de leur famille pour savoir s'ils avaient... Alors, il fallait, en arrivant à l'hôtel Lutetia, traverser une foule compacte des familles qui étaient à la recherche de leurs disparus. Oui. Avant d'arriver à la table qui m'était impartie pour que je reçoive les rapatriés. Les rapatriés, oui. Les rapatriés qui passaient d'abord entre les mains de la police, car il fallait bien affirmer qu'ils étaient des vrais déportés politiques et non pas des voyous quelconques ou des collaborateurs. Oui, ben c'est sûr. Ça devait être atroce, de cette période-là. Alors, c'est ainsi que j'ai appris, j'ai commencé à découvrir comment on mourait dans les camps. On n'avait nulle idée de ce qui se passait dans les camps avant. Avant, oui, c'est sûr. Et c'est là aussi que vous avez appris que votre maman était décédée dans les camps, et le frère de votre maman aussi. Non, j'ai appris que personne ne savait ce qu'elle était devenue. Oui, oui. Après, on a reconstitué qu'elle avait été tuée le jour de son arrivée. Autrement dit, elle a été passée au gaz. Ah oui. Et cette mort est de plus en plus insupportable au fur et à mesure que les années passent. Oui, bah, j'imagine bien. Bah, écoutez, en sa mémoire, nous allons écouter une musique d'origine polonaise. Jusqu'à 18h30, vous m'en lirez tant avec Mona. Donc, en juillet 1947, vous êtes démobilisé et une nouvelle vie commence. En fait, il faut dire que juste avant la guerre, vous étiez institutrice. J'étais à l'école normale. À l'école normale, oui. Et je préparais normale supérieure. Oui. Évidemment, il n'était pas question pour moi en 1945 de revenir à mes études. Je voulais, je répète ce que j'ai déjà dit, manifester mon existence de citoyen. J'ai oublié de vous dire que je passais mes journées à l'hôtel Lutetia à recevoir les déportés, mais je passais mes nuits à l'hôpital où je visitais les rapatriés de Bergen-Belsen. Mmh. Et que là, c'est un souvenir très émouvant. Il s'agissait de jeunes personnes de 20 ans qui avaient survécu au camp, oui, et qui mouraient du typhus. Alors j'ai toujours le souvenir d'une jeune femme qui s'était agrippée à mon uniforme, puisque je portais l'uniforme militaire. Elle le caressait littéralement, cet uniforme qui symbolisait pour elle sa liberté, dont je suis revenu le lendemain, la nuit du lendemain, pour apporter quelques cadeaux pour elle. Le lit était vide, elle était morte. C'est une douleur de plus à ce moment-là. Oui. Mais bon, en même temps, vous ne vous êtes pas laissé abattre après la que ben, il s'agissait ou de mourir ou d'accomplir quelque chose. Ah oui. Et donc après, vous avez décidé d'accomplir quelque chose. Et c'est là que vous revenez en Lorraine. Je reviens en Lorraine parce que j'ai rencontré le docteur Maignan, qui était venu à la recherche de déportés et qui s'était trouvé par le plus grand des hasards à mon bureau. Mmh. Alors, nous échangeons nos souvenirs. Qu'avez-vous fait pendant toute cette période? Que faites-vous? Et il me parle donc des filles en difficulté, des filles marginalisées. Alors, qu'en fait-on? Eh bien, il n'y avait à l'époque comme débouché que de les placer dans un bon pasteur. Alors, qu'est-ce que c'est un bon pasteur? Eh bien, c'était quelque chose comme un couvent ou comme une cellule de prison. Donc je m'exclame, c'est absolument pas ce qu'il faut pour des jeunes qui ont été marginalisés. Ah, il me dit, et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous? Je lui bâtis comme ça, j'avais l'imagination fertile à mes 25 ans. Je lui dis, il faut créer en somme une société nouvelle dont elles seraient les participantes. Et il m'a dit, ben pourquoi vous ne viendriez pas travailler avec nous? Donc, quand j'ai été démobilisée, mon idée a été de retrouver le docteur Maignan et de lui dire que j'étais à sa disposition s'il le voulait. Et alors, il m'a présenté au doyen Parisot. J'ai eu le bonheur que le doyen Parisot, comme M. Maignan, trouve mon idée tout à fait faisable. Et ce sont ces deux-là qui m'ont aidé à démarrer. Et donc, c'est là que vous allez, que vous arrivez au château de Han. Voilà. En fait. Voilà. Dont j'ai été la demoiselle du château pendant longtemps. Oui, il a fallu tout faire, en fait. Hein. Oui, la maison m'a plu parce qu'elle était élégante dans son concept. Elle était au bord de la Seille, oui, avec un horizon de collines tout autour, très harmonieux. Et elle m'a plu parce qu'elle était en partie démolie. Oui. On allait donc essayer de reconstruire la maison en même temps qu'on reconstruirait nos vies. Oui. Et donc vous aviez une façon, comment dire, un peu inhabituelle d'aborder la discipline en fait. Hein. Eh bien je crois que fondamentalement, disons que j'ai appliqué là tous les principes dont mes parents m'avaient imprégné. Principe de respect avant tout de l'autre, quel qu'il soit. Le fait que j'avais été marginalisée pendant la guerre m'avait pour toujours rapproché des gens qui sont à un titre ou à un autre marginalisés. Et j'aurais apporté le respect, oui, et puis la confiance. Et puis un peu d'amour. D'amour, oui. Et en fait, vous les avez fait participer. Ils sont devenus partie prenante de absolument, leur vie, c'est absolument. Ça absolument. Hein, oui. C'était une punition de ne pas être acceptée pour faire un service. C'est quand même formidable. C'était la seule punition, d'ailleurs. C'était la seule punition, oui, effectivement. Et il a fallu beaucoup travailler avec les magistrats de Nancy pour leur faire admettre qu'il n'y aurait pas de sanctions dans ma maison. Oui. Ça passait l'imagination de, oui, travailler sans sanctions. Et j'ai eu du mal à le faire comprendre aussi aux moniteurs que j'ai employés. Oui, c'est ça le problème. En même temps, ils n'avaient pas été formés pour ça non plus. Hein. Personne. Personne, hein, effectivement. Et donc, c'est une aventure qui a duré pendant 10 ans. Voilà. Vous avez reçu pendant ce temps-là des gens formidables, hein, qui une sont venus faire des... Oui. Ça me vaut maintenant d'avoir de très jeunes amis de 80 ans qui sont mes anciennes élèves. Qui sont vos anciennes élèves? Vous avez toujours des contacts avec elles? Ah oui, oui. Enfin, quelques-unes. Quelques-unes. Pas tellement. Oui, oui. Mais il y en a une, par exemple, qui ne manque jamais la date de mon prochain anniversaire. Mais elle m'appelle ma petite maman. Ah, oh, c'est superbe. C'est superbe. Moi, je trouve que vous avez une vitalité incroyable. Je crois que vous êtes en plus en train de... D'écrire un deuxième livre, c'est oui, ça? Oui, je suis en train de le terminer. Vous êtes en train de le terminer? Un livre beaucoup plus joyeux, puisqu'il s'agit de raconter mes voyages. Oui, oui, parce qu'il faut dire que l'aventure du château de Han, ça s'est terminé au bout de 10 ans, parce que vous étiez un peu en désaccord avec votre hiérarchie, hein, c'est oui, ça? Oui, à la naissance de mon bébé, j'ai été très malade. Et le bébé était né prématuré. Donc, je suis partie me reposer chez mes beaux-parents. Pendant ce temps-là, c'est une de mes adjointes qui a pris la direction. Mmh. Elle était très bien, mais pas du tout administrative. Elle s'est heurtée violemment au conseil d'administration. Si bien que quand j'ai repris ma fonction, on m'a dit qu'il fallait que je change mon équipe. Et j'ai refusé de changer une équipe dont je connaissais les défauts, mais dont je savais qu'elle avait des qualités irremplaçables. C'est là-dessus que je me suis séparée de l'association. Voilà. Donc votre deuxième livre va parler de votre vie après. Pardon ? Votre deuxième livre, vous allez parler de votre vie après. Oui, de la vie heureuse que m'a donnée mon mari ensuite. D'accord. Ouais. Mon mari qui était un étudiant qui s'était... intéressée à ce que je faisais à la suite d'une conférence que j'avais donnée Salle Poirel. Et à la sortie de cette conférence, il y avait 3 groupes de gens qui m'attendaient. Il y avait les gens du Parti communiste, les frères 3 points, vous savez, les frères francs-maçons, oui, et les éclaireurs de France. Et tous les 3 me disaient « Tu es des nôtres ». Tu dois venir chez nous. C'est super. Et ceux qui sont venus à moi, ce sont les éclaireurs. Et mon mari était un des responsables éclaireurs de France. Mmh. Et si vous aviez un conseil, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, si vous aviez un conseil à donner à la jeune génération, quel serait-il ? Ah ben, qu'ils se sentent citoyens avant tout. Qu'ils se sentent citoyens ? Bien sûr. Qu'ils participent ? C'est le maître mot pour moi. Qu'ils comprennent dans quel monde nous vivons et qu'ils y prennent leur place. Oui. C'est surtout qu'il ne faut pas, il faut pas renoncer, en fait. Hein. Pardon. Il ne faut jamais renoncer. Non. Jamais. Non. Toujours aller de l'avant. Oui. Oui. Oui. Et puis toujours penser liberté, respect des autres, etc. C'est ça ? Oui. Savoir ce que notre pays a eu d'exceptionnel. Oui. Par ce respect de la liberté. Par ce respect de la liberté, oui. On ne l'a pas toujours respectée, cette liberté. Hein. Surtout, eh ben, surtout il faut savoir qu'elle est précieuse et qu'il faut savoir la préserver. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'être venue nous voir, madame. Parce que, en fait, vu votre âge, vous avez une vitalité que j'admire absolument. Vous êtes charmante. Je vous remercie infiniment. Mais Mona, je veux vous remercier de m'avoir donné la parole. Non, c'est moi qui suis ravie vraiment de vous avoir reçue aujourd'hui. Au revoir à tous.